mes amis, vous le savez, je fais partie des écrivains qui sont le plus en vue en ce moment. Eh bien, figurez-vous que suite au succès retentissant de mon dernier chef-d'œuvre, Les délices de l'humiliation à la portée de toutes les bourses, une maison d'édition a fait appel à moi pour filer un coup de main à un de leurs auteurs pour que je rende son texte plus vivant. J'ai accepté et je me suis retrouvé ce week-end chez Geneviève de Fontenay pour travailler les textes. Oh, eh ben, c'est à recevoir. Chapeau ridicule, guêpière en fourrure et musique de salope. Tu sais recevoir, ma pouliche. Allez, pas de temps à perdre, assieds-toi sur moi. Pour commencer, tu vas me raconter ce qui t'a donné l'envie d'organiser les élections de Miss France. Eh bien, figurez-vous que c'est suite à ma participation en tant que Miss Alsace... Stop! Qu'est-ce que tu viens de dire là? T'étais Miss quoi? J'ai été Miss Alsace! Ah, on va commencer par ça, ton bouquin, c'est génial. Bon, je dis quoi alors? Moi, Miss Alsace, j'ai... Mais non, fion de guenon! Ce que veulent les lecteurs, c'est du style direct, du punch! Mais c'est quoi, enfin, le style direct? Que les couilles du Kaiser me servent de chapeau. Faut que je fasse tout ici. Ah, tu vas commencer comme ça. Ah, mes amis, j'ai eu l'idée du business de la connasse le jour où j'ai été élu morue d'Alsace. Il est hors de question que j'écrive de telles horreurs. Écoute-moi bien, cul de babouin. Et si le patron, c'est moi, alors tu fais ce que je dis. Alors tu vas continuer en écrivant. Je suis fier de mes miss. Le palmarès est grandiose. 2 femmes de ministre, 3 animatrices télé, 21 mannequins et 75 putes. Mais c'est totalement faux. Aucune de mes filles n'a été pute. Non, femme de ministre. Oh, tu as fait peur, Maminova. Tu sais qu'une histoire sans fille de joie, c'est la cata, hein? Tu connais le proverbe des éditeurs? Oui, je le connais! Roman sans pute, les ventes en chute! Bien. Tu vas dire le nom de toutes celles qui ont fini au bordel. Une fois qu'il sera donné dans ton livre, tu le mets mais au fur et à mesure, hein. Comme ça, ça oblige le lecteur à aller jusqu'au bout du bouquin. Alors voilà pour le principal. Entre deux noms, bon, tu balances des anecdotes à la con, tu parles des invités VIP qui prennent de la coke en coulisses, des intermittents du spectacle zoophile et boum! Un best-seller! Ça me paraît très bien tout ça, merci monsieur! Oh, appelle-moi Helmut Macroute. Allez. On va s'amuser un peu, toi et moi. Enlève ta guêpière. Mets la musique plus fort et oh, surtout garde le chapeau. Et voilà, mon cré-cré. Mmh? Ça s'est passé comme ça. Ah, elle me doit une fière chandelle, la momie. Ça commence à me fatiguer d'être le meilleur, moi. Bon, je vous laisse. Je vais filer un coup de main à Paul Lussulitzer pour son prochain livre. Avec lui, ça va être un peu plus long, hein. Faut que je lui apprenne l'alphabet. Allez, au revoir, Zen.